Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Holiday Mix, fréquence maximale. Aujourd'hui, il y aura de l'électro avec John Dalbach, Greg Seron, Julien Créance, Dimitri Vegas et Like Mike, de la trance également avec Björn Eckson, Franz Bach, remixé par Armin van Buuren, Damien Wass et Ben Nicky, sans oublier une touche de hardstyle avec Luca Antolini. On démarre ce Holiday Mix, fréquence maxi avec Firebeats. Accrochez-vous, aujourd'hui ça risque de secouer. Ladies and gentlemen, welcome to Monsieur Cortez. We'll be right back. Holiday Mix. Holiday Mix. Avec Monsieur Cortez. sur Holiday Mix. Holiday Mix. We'll be right back. Holiday Mix. Holiday Mix. Les meilleures nouveautés qui font vibrer les dance floors du monde entier. Holiday Mix. Avec Monsieur Cortez. Everybody here's in the air. Écoute ça. Dance floor. We'll be right back. We'll be right back. Holiday Mix. Holiday Mix. Écoute ça. Thank you. I'm